Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet 94.2 FM. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Didier Ouaknin, animateur du club photo Dessel et Nancy, dans le cadre de leur première exposition au château Dessel et Nancy, donc, qui a eu lieu sur la fin du mois de novembre. Alors, bonne découverte. Monsieur Ouaknin, vous représentez le club photo, il est où ce club photo? En fait, j'en suis que l'animateur. Oui. Et nous dépendons du club informatique. Ah oui, d'accord. Le club informatique, qui est le président, est Philippe Pétainier. Oui, monsieur. Et nous sommes une branche de ce club informatique. D'accord. Et c'est curieux parce qu'on est trois, en fait, encore présents dans ce club qui a à peu près 10 ans d'existence, oui, où nous suivions des cours Photoshop, oui, dans, oui, le cadre du club informatique. D'accord. Et comme on parlait, et on évoquait très très très souvent la photo, mm-hmm, l'idée nous est venue de constituer ce petit groupe photo. D'accord. Et donc, on est parti à 3, et maintenant nous sommes 13, très précisément. Ah oui, d'accord. Le dernier en date qui nous a rejoint mardi, c'est Gilles Schapierstein. Ah oui, qui fait partie aussi du club qui vient photo, d'intégrer, d'accord, le club mardi dernier. Super, ouais. Donc, on se réunit 2 fois par mois, deuxième et quatrième mardi de chaque mois, le matin, mmh, de 9 à 11, et nous échangeons sur de multiples sujets, à la fois techniques, à la fois, comment dirais-je, esthétiques, mmh, avec des formations à la clé sur différents sujets, la pose d'onde, par exemple. Ouais. Et puis, on traite à chacune de nos rencontres sur une thématique, sur un sujet, mmh, où chacun amène le résultat et le fruit de son travail sur les 10 sujets en question. D'accord. Le dernier, par exemple, c'était brume. La brume. La brume. D'accord. Donc, on a présenté des photos et entré à la brume. Alors, aujourd'hui, ce samedi est présent jusqu'au week-end prochain. Vous réalisez l'exposition au fil de la nature. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous êtes combien de photographes présents sur cette exposition? Alors, les 13 membres. Alors, ah, c'est les 12, en fait. Gilles, qui est arrivé mardi, est arrivé un petit peu tard, mais d'accord, 12 membres. Donc, il y a une douzaine de membres qui exposent leurs photos. Tous les membres ont sorti 2, 3, 4, 5, 6, 10 photos, ça dépend. Ouais. Au gré. Dans le thème que nous avons fixé. Et voilà maintenant à peu près 3 ans qu'on procède à chacune de nos rencontres à une sélection des photos destinées à alimenter cette expo. D'accord. Donc la photo est présentée à l'ensemble des membres. Ça fait 3 ans que vous préparez cette expo. Qu'il agrée ou pas. Oui, oui. Alors c'est qui est-ce qui choisit Collectivement. Collectivement, donc c'est les 12 membres. Tout ce que nous faisons est collectif. D'accord, à chaque fois. Hein. Tout à fait. D'accord. Donc là, en même temps, donc on a combien de photographies qui sont... Alors, sauf erreur de ma part, avec les 5 qui ont été installées, on va en avoir 90. Ah oui, il y a une belle, quand même beaucoup, oui, de choses. Oui, il y a, oui, chose il y a du voir, travail. Hein. Donc, presque 100 photos. Oui. Donc, on retrouve beaucoup la thématique de la nature. C'est la nature. Au fil de la nature, c'était le thème qui était choisi. Alors, on aurait effectivement pu dire, toi, tu t'occupes peut-être plus de la macro. Mmh. Donc, se spécialiser les champignons, les petites bêtes, toiles d'araignée. Parce qu'il y a différentes vues. On voit une vue urbaine, on voit un coucher de soleil. Exactement, tout à fait. C'est quand même... Non, là, on a vraiment une étendue... tout azimut, mmh, qui avait trait à la nature. Mais je vous dis, la sélection s'est faite collectivement. D'accord. Donc chacun des membres a choisi parmi 3 photos qu'il préférait. Ça s'est passé comment? Non. Chacun venait avec ses photos, oui, prises soit récemment ou puisées dans son stock, mmh, les présentées à l'ensemble du groupe et ont décidé ou non de l'agréer, mmh, pour l'exposition. Être exposé. D'accord. Voilà. Ouais, vraiment, de façon collégiale, démocratique. C'est très collégial et très démocratique. Hein. Il n'y a pas un programme de cours très préalable défini, mmh, fait à la demande ce que les gens, mmh, ce qu'ils attendent. D'accord. Et là, du coup, c'est votre première exposition? Oui, c'est la première. D'accord. Donc, ce que je considère déjà comme un exploit, parce que on a tous les niveaux, hein, dans le groupe. Mmh. Les gens qui maîtrisent bien la photo, oui, certains très bien, d'autres un petit peu, et d'autres pas du tout. Ouais. Et donc, les résultats sont parfois très médiocres, parfois de qualité. Et au fil des ans, on a réussi, notamment en travaillant sur la composition photographique, à faire en sorte qu'on arrête de mitrailler à outrance pour ne sortir que 5, 6, 7 clichés, mais bien composés. Ouais, ça peut être une façon de faire aussi. Qui a permis d'améliorer considérablement la production. Si vous prenez 50 production. Clichés, il y en a un ou deux qui vont sortir super bien. Et puis, alors, oui, sauf que déjà, à la prise de vue, il y a une réflexion qui doit s'instaurer. Mmh. Qu'est-ce que je vais valoriser? Comment vais-je composer mon sujet? Comment vais-je lui lui donner de l'importance? Est-ce que je vais utiliser un premier plan? Est-ce que... Il y a toute cette réflexion. C'est ça la composition. D'accord. Et là, vous allez régler votre objectif. Ensuite, après, arrivent les éléments techniques, qui sont effectivement l'ouverture, le diaphragme, et tout ce qui conditionne la pouvoir de champ, enfin, ce que vous connaissez probablement. Mais le point le plus important, c'est quand même la composition de l'image. Et je dis souvent, pour ne citer qu'une règle parmi nombre incalculable de règles qui existent en matière photographique, la règle des tiers. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Moitié-moitié, c'est pas bon. Non. Et centrer le sujet sur lequel on veut valoriser à un point de rencontre des lignes verticales et horizontales qui quadrillent votre cliché en tiers, c'est l'une des importantes. Et ça en fait un très net meilleur cliché que celui où vous mettez le personnage au centre. D'accord, vous me disiez, vous retravaillez. C'est une règle. C'est une règle, mais vous retravaillez les images avec Photoshop ou par exemple aujourd'hui avec des algorithmes, on peut recadrer l'image, on peut ressortir. Le recadrage, c'est ce qu'on appelle le crop. Donc ça, c'est pas besoin de logiciels très sophistiqués, vous le faites très simplement, même avec un outil de base comme vous avez sur votre téléphone, vous pouvez le refaire. Mais ça a une importance, justement pour repositionner le sujet là où l'œil, le cerveau, vont beaucoup mieux le matérialiser que si vous le mettez en plein milieu du cliché. Donc ça, c'est facile. En revanche, bon, on travaille un petit peu avec... Moi, j'utilise Lightroom, Photoshop, un petit un peu... Comment vous dites ? Lightroom, notamment, qui est assez perfectionné pour les éléments de photos. Oui, c'est difficile, Photoshop, quand même. Oui, c'est difficile. Ouais, mais on s'en sert un petit peu, mais pas trop. On ne veut pas non plus conditionner de belles... Et là, il n'y en a pas, là. Il n'y a aucune photo qui est issue d'un bidouillage Photoshop. D'accord. Il n'y a pas de photos qui sont travaillées dans le cadre de l'exposition. Le seul travail que l'on fait de la photo, c'est les tons clairs et les tons foncés. Autrement dit, on les rééquilibre. D'accord. Le cadrage que vous avez évoqué. Et puis, les courbes de niveau. Donc la tonalité des couleurs. Non. Vous connaissez les courbes de niveau sur une photo? Quand vous prenez, faites l'histogramme d'une photo sur un appareil photo, vous avez des courbes. Oui. Souvent, cette courbe, elle ne débute pas dans le rectangle. Oui. Elle est un petit peu en avant. Souvent, elle ne se termine pas forcément. Et bien, rien qu'en recadrant ça à l'histogramme et en modifiant quelques paramètres de l'histogramme, rééquilibre la photo. L'histogramme, c'est ce qui mesure le volume des tons clairs, des tons foncés. Les pixels noirs, D'accord. Gris, plus gris, moins gris, jusque blanc. D'accord. Rien qu'avec ça, vous avez amélioré considérablement la photographie. Et ça change considérablement le rendu. Alors, c'est incroyable, ça. D'accord. Écoutez, je le montre, je l'ai montré au club. J'ai fait une photo en Cappadoce dans les cascades. C'est pas du marbre, c'est une espèce de calcite. Je ne suis pas Pamukkale. Ça vous dit peut-être quelque chose. Comment vous dites ? Pamukkale, P-A-M-U-2-K-A-L-E. C'est de l'eau qui descend dans des espèces de strates. L'eau est toute bleue. Et puis elle dégage un petit peu de vapeur. J'ai fait ces photos un jour où il y avait une brume. Légère, mais une brume. D'accord. Le bleu, on ne le voyait pas. Rien qu'en retravaillant les tons clairs, les tons faussés, et la courbe de niveau, j'ai fait ressortir. Ça a changé complètement le rendu. Donc ça, les photos, toutes les miennes, de toute façon, je les retravaille toutes. Mais il n'y a pas de bidouillage Photoshop ou Lightroom. D'accord. Hein, où on a volontairement... Donc c'est juste le retravail sur l'histogramme. Refoncé un ciel. Non. Ça, c'est l'ensemble du cliché qui a été retravaillé. Donc, en retravaillant sur l'histogramme, on peut déjà changer. Alors, vous avez un appareil photo chez vous, non ? Non, j'utilise, vous savez, aujourd'hui, les iPhones, à un niveau de pixelisation qui est pas mal quand même. Alors, oui, mais c'est assez limite. Moi aussi, j'ai un iPhone, mais c'est assez limite. Avec un iPhone, vous ne sortirez pas une photo comme ça en 30-40. Vous pouvez déjà apporter des corrections à la prise de vue. Je ne parle pas en post-traitement, une fois qu'elle est prise. Donc, ça, c'est un élément de. Il faut le faire dès le départ. Qui est génial. Et qui permet, en post-traitement, moi j'ai des histogrammes qui débutent que là, qui se terminent ici. Cette partie-là, je la rapproche, c'est ici. Rien qu'avec ça. Donc j'ai rien modifié dans la photo. D'accord. Il y a un meilleur équilibrage des zones claires et des zones foncées, grâce à l'histogramme. D'accord. Alors ça, vous pouvez le faire sur l'ensemble de l'image, comme vous pouvez le faire sur les trois couches Rouge, vert et bleu. Oui, vert, bébé. Vous êtes toujours dans l'émission Portrait d'artiste animée par Romain Marie. Nous allons faire la pause musicale en écoutant La Différence par la chanteuse Santa. J'ai le vertige, de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou. Et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai. Je préfère tant trop au pas assez. Ouais. Tu feras la différence. Ton cœur prend des vacances. Il danse avec les loups. Résiste. Tu feras la différence. Le cœur de l'enfant, c'est ta récré, il rendra chaque coup. La photo fige, un peu de flou, un peu de nous. Les tornades nous rappellent qu'on tient debout et sur mon piano. Tu feras la différence. Ton cœur prend des vacances. Il danse avec les loups. Résiste. Tu feras la différence. Quand le cœur de l'enfant s'est arrêté. Résiste. Il rendra chaque coup. D'artistes sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animée par Romain Marie. De retour dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet 94.2 FM, présentée par Romain Marie, où nous retrouvons notre interview de Didier Ouagdine, photographe. Vous avez toujours été photographe ou qu'est-ce que vous moi je suis passionné de photographie depuis l'âge de 14 ans. D'accord. J'ai été directeur général du groupe Est Voyage, la filiale tourisme d'Estrée Vulcaire. Ah oui, d'accord, donc vous connaissez bien l'Estrée. Oui, je connais bien la maison. Enfin, je connais bien. Et j'ai bien connu la maison, maintenant, vous voyez, j'ai mes cheveux blancs, ça fait une paire d'années que j'ai quitté l'entreprise. Vous avez quel âge, monsieur? Bon, donnez combien? Quand même, au moins 60 quand même, mais je pense. 78. 78 ans, ah oui, d'accord. On essaie de rester jeune quand même. C'est bien, c'est sûr. Vous savez, quand vous êtes passionné par la photo, comme je le suis, comme l'ensemble de mes amis le sont, c'est sympa. Donc on se retrouve, on fait des sorties photos. Oui. On va faire un dîner le 5 décembre, on se retrouve tous au resto. tout le monde est présent. D'accord. Avec nos conjoints respectifs, c'est une petite soirée, on fait des sorties, on est allé l'autre jour faire les, enfin pas les vendanges, mais photographier les vendanges dans le Touloir. C'était sympa, Maison Larocque, on a pris des photos. Donc là, voilà, c'est quelques années que vous avez arrêté de travailler en même temps. Alors oui, alors j'ai arrêté bien malgré moi, parce que à l'époque, Gérard Collin, qui était PDG d'Est Voyage, m'a invité à vendre l'entreprise, le groupe Est Voyage. Ah, parce que s'il vous appartenait, c'était à vous. Ça appartenait, c'est Vicain. Il y avait l'Est Voyage, Voyage des Nouvelles, qui était la filiale des DNA, le journal en Alsace, et Bien Public Voyage, qui était la filiale du journal des Bien Public. Et vous, quelle fonction vous occupiez? J'étais directeur général. Alors, directeur, vous gériez combien de personnes, du coup? Alors, l'Est Voyage avait 90 salariés. Voyage des Nouvelles en avait à peu près 40, et le Bien Public 15 ou 16, je crois. D'accord, oui, vraiment. C'était une grosse dirigeante. On était le quatrième réseau national français. Oui. Réseau d'agences de voyage. D'accord. Aux côtés d'Avas, Carlson Wagon Line, les gros réseaux. D'accord. Alors là, votre vie d'aujourd'hui, ça change complètement quand même. Alors oui, je voyage moins. Mais vous n'êtes plus dans le management opérationnel. Non, heureusement. Vous n'êtes plus sur la gestion des ressources. Mais j'ai quand même retrouvé une activité, alors, non rémunérée, bénévole. Parce qu'en fait, quand j'ai vendu cette affaire au groupe Accor, qui a été en plus repris par Carlson Wagon Line, je subodorais très rapidement que mon sort serait défini très facilement. Et donc, dans le cadre de la négociation, j'ai défini les modalités de sortie. Soit de non-fait, soit du leurre, soit du repreneur. D'accord. Et grand bien m'en a pris, parce que 6 mois après, nous ne partagions pas du tout les mêmes valeurs, notamment en termes de management, d'organisation, enfin bon. Ouais. Donc on s'est quitté. D'accord. J'ai donc cessé mes activités, bien malgré moi, à 55 ans. 55 ans, voilà, mais comme vous aviez déjà anticipé vos conditions de sortie. Alors oui, mais je n'ai pas retrouvé de job. Vous n'avez pas retravaillé depuis vos 55 ans? J'ai fait quelques missions chez mes confrères d'époque, néanmoins concurrents, vous dites, le conseil, enfin, c'était de bidouille. En revanche, je me suis beaucoup impliqué dans le Crédit Mutuel, comme bénévole. J'ai été président d'une caisse de Crédit Mutuel que j'ai ouverte à Essai en 2003, très précisément, 2003. J'ai été vice-président des caisses du district, même membre de la chambre syndicale. Donc là, en tant que élu bénévole. Oui, d'accord, mais c'est la partie. Là, comme je suis frappé par les limites d'âge, parce qu'il y a une limite d'âge, je ne peux plus être élu ni avoir ces fonctions, j'en ai toutefois conservé une. J'anime un groupe qui s'appelle un groupe de travail, un GT divers, comme la couleur. Oui. Pour une raison très simple, c'est que le district des caisses de crédit mutuel de Nancy ont financé le reboisement d'une forêt qui appartient aux eaux et forêts, à Féanlé, une forêt qui fait 4,7 hectares. Et tous les ans, nous finançons 10 000 euros pendant 5 ans, 50 000, pour faire grandir cette forêt, faire remplacer les plants. Et le président du district des caisses de Nancy a souhaité que cette action soit accompagnée pendant les 5 ans, que ça soit, on n'en parle pas qu'une fois puis terminé, on n'en parle plus, mais que parallèlement à ça, on engage quelques actions en faveur de la protection de l'environnement et de la réduction de notre empreinte carbone. Bien sûr. Donc j'anime un petit groupe composé d'élus et de salariés. On a même une petite publication qui s'appelle les Échos de la Forêt. On fait vivre ça. Les Échos de la Forêt, donc ça, c'est une publication qui nous est propre. C'est du Crédit Mutuel. Et on peut, au sein du Crédit Mutuel, d'accord. On la trouve sur le site du Crédit Mutuel. Où est-ce qu'on la trouve? Non, il est propre. Il est diffusé aux élus. En interne, c'est aux élus du Crédit Mutuel, donc élus, membres du conseil d'administration, conseil de surveillance et à l'ensemble des salariés, les 16 caisses qui constituent le district. D'accord. Donc éventuellement, vous pouvez faire des photos. Peut-être pour ce magazine. Alors, bah, j'en ai fait. La forêt, notamment. Bien sûr. Beaucoup de photos. Là, on a fait une conférence avec Patrice Costa. Oui. Vous connaissez peut-être. Oui, des gens qui s'est vu encore à l'Est Républicain, un petit peu. Oui. J'ai fait des photos de la soirée qui m'ont servi en réunion. Enfin, oui, bien sûr. D'accord. Les catalogues de programmes de voyage que nous concevions au sein de l'Est Voyage, c'était 99% des cas, mais mes propres photos, pas de droit d'auteur. C'est facile. D'accord. Eh bien, super. Merci. C'est la fin de l'émission Portrait d'artiste qui était présentée aujourd'hui par Romain Marie. Nous rencontrions Didier Wacknin, photographe, qui exposait au château d'Essey-lès-Nancy sur la fin de ce mois de novembre et que nous aurons probablement l'occasion de retrouver dans d'autres expositions. À bientôt, dès le mois prochain, pour une prochaine émission.